Chapitre 5e. Les questions de Mr. Vanstone relativement au divertissement dramatique dont les préparatifs se faisaient à Evergreen Lodge obtinrent pour réponse un long récit de petites misères théâtrales, dont Miss Marrable représentait la cause innocente et auquel son père et sa mère avaient participé comme principales victimes. Miss Marrable était un de ces tyrans les plus endurcis entre tous, une fille unique. Depuis l'époque où elle avait percé sa première dent, elle n'avait pas octroyé à ses pauvres parents opprimés un seul privilège constitutionnel. Son 17e anniversaire allait sonner. Il avait été décidé par elle qu'on le célébrerait en montant tout exprès une comédie. Comme d'ordinaire, elle avait donné ses ordres. Comme d'ordinaire, ses parents avaient obéi. Mrs. Marrable livrant son salon pour qu'on le transformât en théâtre, Mr. Marrable s'assurant le concours d'un homme du métier, destiné à former, à mener au feu les jeunes conscrits dramatiques des deux sexes, et à supporter toutes les responsabilités qu'on encourt en cherchant à extraire du chaos domestique un microcosme théâtral. Une fois accoutumés à voir briser leurs meubles, gâter leurs tentures, à entendre craquer leurs parquets, circuler les souliers à gros clous, bruire les marteaux sonores, battre les portes, gémir les marches d'escalier, ceux qui s'intitulaient le maître et la maîtresse du logis crurent bonnement qu'ils en avaient fini avec leur plus grand trouble, innocente et fatale chimère. Pour des particuliers, c'est déjà une grande épreuve que d'organiser un théâtre et de choisir une pièce. Mais c'en est une autre, et non moins rude, que de déterrer des acteurs. Jusque-là, Evergreen Lodge n'avait connu que les petits ennuis préliminaires de la première catégorie. Les embarras sérieux allaient commencer. Une fois le choix des rivaux bien arrêté, Miss Marrable s'attribua, cela va sans le dire, le rôle de Lydia Languish. Un de ses soupirants favoris eut celui du capitaine Absolute, et un autre conquis de haute lutte, celui de Sir Lucius O'Trigger. Vint ensuite une parente, d'humeur peu susceptible, qui ne recula point devant la lourde responsabilité du personnage de Mrs. Malaprope, et ceci fait, le progrès de cette organisation spéciale s'arrêta court. Il ne restait plus à se procurer que 9 autres acteurs parlants, et cette inévitable nécessité donna naissance aux embarras les plus graves. Tous les amis de la famille devinrent, d'un jour à l'autre, et pour la première fois de leur vie, des gens sur qui l'on ne peut compter. Ils avaient applaudi à l'idée de monter la pièce, puis ils refusaient d'y jouer, ou bien, quelques rôles acceptés, ils reculaient devant les efforts à faire pour se le mettre dans la tête, ou bien encore, ils s'offraient pour des rôles déjà pris, refusant ceux qui étaient disponibles, ou bien, d'une santé délicate, fournissaient d'éternels prétextes pour manquer aux répétitions, ou bien faisaient intervenir des parents puritains, et après s'être mis gaiement en besogne au début de la semaine, se trouvaient, avant qu'elle eût pris fin, sous le poids des remords que leur famille éplorée avait fait naître en eux. Cependant, des charpentiers jouaient du marteau, et la scène se construisait. Miss Marrable, accessible aux émotions de tout ordre, commençait à sentir son système nerveux fort absorbé par la tension perpétuelle d'une anxiété que chaque incident renouvelait. Le médecin de la famille déclarait ne pouvoir répondre de rien si la tentative commencée avortait. On se remit à l'œuvre sur nouveaux frais. On chercha des acteurs avec le parti pris le mieux arrêté de ne consulter en rien la convenance du rôle et de la personne qu'on en chargeait. La nécessité qui, au théâtre comme partout ailleurs, n'a jamais connu de loi, fit accepter un jeune homme de 18 ans pour représenter Sir Anthony Absolute, le metteur en scène se chargeant de lui procurer toutes les rides nécessaires. Une dame, d'âge ignoré, de corpulence incontestable, mais qui, du moins à son dire, avait le cœur bien placé, proposa de jouer la sentimentale Julia. On ne lui connaissait, en fait de précédents dramatiques, que l'habitude de porter perruque à domicile. Grâce à ses coups de vigueur, la pièce fut enfin pourvue de tout son personnel, sauf cependant les deux rôles si peu commodes de Lucie, la femme de chambre, et de Falkland, le jaloux amoureux de Julia. Il vint quelques gentlemen. Ils examinèrent Julia aux répétitions. Ils s'assurèrent qu'elle pesait 140 et portait de faux cheveux. Ils ne s'aperçurent pas qu'elle avait le cœur bien placé. Ils manquèrent du courage voulu, offrirent leurs excuses et battirent en retraite. Quelques dames ayant lu le rôle de Lucie constatèrent que ce personnage, fort en relief pendant la première moitié de la pièce, s'effaçait peu à peu dans la seconde et devenait tout à fait insignifiant. Il leur sembla dur de déchoir ainsi dans l'estime des spectateurs, pendant que les autres conserveraient jusqu'au dénouement leur importance originelle. Elles fermèrent le livre, s'excusèrent et ne reparurent plus. Il ne restait désormais que 8 jours à courir avant la représentation. Une phalange de martyrs de salon, comptant plus de 200 têtes, avait promis de venir en affronter les périls. 3 répétitions au complet étaient encore indispensables, et 2 rôles restaient à distribuer. Ce fut avec ce récit pathétique, et avec les plus humbles excuses sur leur indiscrétion probable, que les Marable, s'étayant à regret de relations bien superficielles, paraissaient à Combraven pour y demander une Lucie aux 2 filles de la maison, un Falkland à l'univers entier, avec l'obstination acharnée d'une famille au désespoir. Cet exposé de situation présenté à un auditoire qui comprenait avec un père de tempérament de Mr. Vanstone, une fille du caractère de Magdalene, produisit tout l'effet auquel on devait s'attendre. Soit qu'il interpréta mal, soit qu'il ne voulut pas prendre en considération le silence de mauvais augure que gardaient sa femme et Miss Garth, Mr. Vanstone ne se borda pas à permettre que sa fille cadette vint au secours des comédiens dans l'embarras. Il accepta de plus pour Nora et pour lui-même une invitation à la soirée où Magdalene devait figurer. Mrs. Vanstone fit valoir sa santé pour s'excuser de n'y point paraître, et Miss Garth ne promit de compter parmi les spectateurs que pour le cas où la maison n'aurait pas besoin d'elle. Les rôles de Lucie et de Falkland, que la famille désolée colportait de tous côtés avec elle, comme une maladie à répandre, furent, séance tenante, remis à leurs destinataires respectifs. On ne prêta même pas l'oreille aux faibles objections que Frank voulut mettre en avant. Les jours et heures de répétition furent soigneusement inscrits au crayon sur la couverture de chaque manuscrit, et les Marable prirent congé après une véritable explosion de reconnaissance. Père, mère, fille, semant à la volée leur formule de gratitude depuis la porte du salon jusqu'à celle du jardin. Dès que leur voiture eut disparu, Magdalene se montra sous un jour tout à fait nouveau à l'assistance étonnée. « S'il vient d'autres visites aujourd'hui, dit-elle, je préviens que je n'y suis pour personne. Ceci est une affaire bien autrement sérieuse, qu'aucun de vous ne semble le croire. Retirez-vous quelque part, Frank, et lisez, relisez votre rôle, en prenant soin de ne pas laisser vagabonder votre imagination, si toutefois la chose est possible. On ne me reverra plus avant ce soir. Après le thé, si vous voulez venir ici, sauf la permission de mon père, je mettrai à votre disposition mes idées sur le rôle de Falkland. Thomas, quoi que puisse faire ailleurs le jardinier, je lui défends expressément de venir apporter sous mes fenêtres le bruit de ses opérations horticoles. Je vais être plongé dans l'étude pendant tout le reste de l'après-midi, et plus la maison sera paisible, plus je serai obligé à chacun de ceux qui l'habitent. » Avant que Miss Garth pût faire feu de tous ses reproches, avant que puisse échapper des lèvres de Mr. Vanstone le cordial éclat de rire qu'il allait laisser partir, Magdalene les salua d'un sérieux imperturbable, monta le perron pour la première fois de sa vie avec une autre allure que le galop d'un jeune faon, et se perdit dans on ne sait quelle profondeur du gynécée. La stupéfaction où cette soudaine absence parut jeter Frank ajoutait à la scène un degré d'absurdité dont elle eût pu rigoureusement se passer. Tantôt sur une jambe, tantôt sur l'autre, roulant, déroulant son manuscrit et regardant d'un air piteux les amis qui l'entouraient. « Je sais fort bien que je ne m'en tirerai jamais, » leur disait-il. « Puis-je venir, après le thé, savoir les idées de Magdalene ?»« Merci, je tâcherai d'arriver vers 8 heures. Ne parlez pas à mon père de cette comédie, au moins. » Ce serait des bourdes à n'en pas sortir. » Ceci dit, son courage n'alla pas plus loin. Il sortira, d'un pas incertain, dans la direction du bosquet, les bras ballants, laissant pendre son manuscrit entrouvert. Le plus incapable des Falklands et l'homme le plus embarrassé de sa personne qu'on eût pu trouver en ce bas monde. Le départ de Frank laissait la famille à elle-même et devint le signal d'une attaque en règle contre la négligence invétérée qu'apportait Mr. Vanstone dans l'exercice de son autorité paternelle. « À quoi donc aviez-vous la tête, André, quand vous avez donné ce consentement ?» dit Mrs. Vanstone. « Mon silence, il me semble, devait vous avertir de répondre par un refus. »« Grave erreur, Monsieur Vanstone, » reprenait Miss Garth, se mettant à l'unisson. « Erreur bien intentionnée. Erreur, cependant, soyez-en sûr. » « C'est peut-être en effet une erreur, » dit Nora, prenant comme toujours le parti de son père. « Mais en de telles circonstances, comment refuser ?»« C'est cela, ma chère, » ajouta Mr. Vanstone. « Les circonstances, vous le dites fort bien, tournaient contre moi. D'un côté, c'est malheureux ne sachant de quel bois faire flèche. De l'autre, Magdalene, dévorée du désir de jouer. » Je ne pouvais pas mettre en avant des scrupules de méthodiste. Je n'ai rien en moi qui me permette de me donner pour tel. Et quelle autre excuse imaginer? Les Marables sont des gens comme il faut. Ils reçoivent la meilleure compagnie de Clifton. Quel mal à ce que ma fille les voit. S'il s'agit de prudence, de convenance, etc., pourquoi Magdalene ne ferait-elle pas ce que fait Miss Marable? Laissez donc ces pauvres enfants jouer leur comédie, et de leur mieux. Nous avons eu l'orage, après tout, et il ne faut pas faire tant d'embarras. Moi, j'en ai assez dit sur toute cette affaire. » Après avoir lancé cette apologie caractéristique, Mr. Vanstone battit en retraite du côté de la serre pour y fumer un nouveau cigare. « Je n'en ai point fait part à papa, » dit Nora, prenant le bras de sa mère pour entrer avec elle dans le château. « Mais ce qu'il y a de plus à craindre, selon moi, dans toute cette comédie, c'est la familiarité qu'elle va introduire dans les rapports de Magdalene et de Francis Clare. Vous avez une antipathie pour ce jeune homme, ma chère petite, répondit Mrs. Vanstone. Les yeux bruns de Nora, ses yeux si doux et si discrets, s'abaissèrent vers le sol, et pas un mot de plus ne sortit de sa bouche. Ses opinions étaient invariables, mais jamais elle n'engageait de discussion avec personne. Elle avait ce grand défaut des natures réservées, leur obstination et aussi leur grand mérite, celui de savoir se taire. « Quelle préoccupation est maintenant la vôtre ?» pensait Miss Garth, jetant un regard pénétrant sur le brun visage de Nora et cherchant à lire sur sa physionomie abattue. « Vous êtes de nature énigmatique, vous. Parlez-moi de Magdalene, avec tous ses instincts de perversité. Au moins voit-on clair en elle, mais chez vous il fait nuit toujours. » Les heures de l'après-midi s'écoulèrent sans que Magdalene eût mis le pied hors de sa chambre. On n'entendait aucun bruit de pas sur les escaliers. Aucune langue indiscrète ne babillait des greniers aux cuisines. La maison, enfin, ne se ressemblait plus, maintenant que tout à coup en avait disparu l'élément perturbateur qui sans cesse portait atteinte à la sérénité de la vie de famille. Curieuse de vérifier par ses propres yeux la réalité d'une transformation à laquelle l'expérience du passé l'eût empêché de croire, Miss Garth monta dans la chambre de Magdalene, frappa deux fois à la porte, ne reçut pas de réponse, poussa le battant et jeta un regard dans cette pièce muette. Magdalene était assise devant la psyché, les cheveux tombant sur ses épaules, absorbée dans l'étude de son manuscrit, et jusqu'à ce que l'heure du dîner vint à sonner, elle y resta confortablement roulée dans son peignoir. Derrière elle se tenait, également assise, sa femme de chambre, promenant lentement le peigne parmi les longues boucles pesantes qui ornaient la tête de sa jeune maîtresse, avec la résignation assoupie d'une pauvre créature qui s'employait à cette opération depuis déjà plusieurs heures. Le soleil brillait, et l'on avait baissé les vertes jalousies placées à l'extérieur de la fenêtre. De vagues et douces lueurs planaient sur ces deux figures tranquillement assises. Ces lueurs éclairaient le petit lit blanc, dont les rideaux étaient soutenus par des rubans d'un vert tendre, et la toilette préparée pour le dîner qu'on avait jeté sur ce lit. Elles éclairaient aussi la baignoire aux couleurs gaies et son extérieur d'émail blanc. La table de toilette et ses reluisants accessoires, ses flacons à facettes, sa clochette d'argent, dont un amour formait la poignée, bref, cette multitude de menues superfluités qui ornent comme un hôtel la chambre à coucher d'une jolie femme. Le calme, presque énervant de cette scène, le frais parfum des fleurs et des essences répandues dans l'atmosphère, l'attitude extatique de Magdalène, complètement perdue dans sa lecture, la régularité monotone avec laquelle se mouvait la main et le bras de la femme de chambre, tandis qu'elle passait et repassait doucement le peigne dans la chevelure de sa maîtresse. Tout concourait à produire la même impression de somnolent délice et de calme félicité. D'un côté de la porte était le grand jour et les réalités vulgaires de l'existence, de l'autre, le domaine des rêves élyséens, le sanctuaire du repos sacré pour tous. Miss Garth s'arrêta sur le seuil et contempla silencieusement ce tableau. Le singulier goût que Magdalène avait pris de faire soigner sa chevelure à tout moment et en toutes circonstances figurait au nombre de ces particularités de caractère que, dans la maison, tout le monde connaissait. Son père prétendait volontiers, en riant, qu'elle lui rappelait alors ses chats voluptueux, qui viennent offrir à la main leur dos électrique. Il s'attendait toujours, disait-il encore, si le peigne continuait assez longtemps son office, à l'entendre ronronner. Si extravagante qu'elle puisse paraître, la comparaison n'était pas le moins du monde inexacte. L'ardente humeur de la jeune fille donnait une intensité particulière au plaisir, essentiellement féminin, qu'éprouvent la plupart des dames à sentir leurs cheveux mordus par le peigne. À cette joie sensuelle où elle s'abîmait, joie franche et sereine, profonde comme le sommeil, et qui rappelait d'une manière frappante celle du chat favori sous la main qui le caresse. Si au courant que fut Miss Garth de cette fantaisie de son élève, elle la voyait pour la première fois mêlée chez Magdalène à un grand effort de l'intelligence. Éprouvant donc la curiosité de savoir combien de temps avaient marché ensemble le soin de la chevelure et celui du rôle, elle hasarda à le demander d'abord à la maîtresse, puis, ne recevant d'elle aucune réponse, à la jeune soubrette. Toute cet après-midi, miss, et sans répit, répondit celle-ci avec une évidente lassitude. Miss Magdalène prétend que cela émousse ses sentiments et rend son esprit plus alerte. Sachant par expérience qu'il serait inutile d'intervenir en ce moment, Miss Garth se détourna promptement et quitta la chambre. Elle sourit lorsqu'elle se retrouva sur le palier extérieur. Parfois, mais ceci n'est pas fréquent, la pensée féminine se projette avec force vers l'avenir. Miss Garth accordait en ce moment à l'infortuné futur époux de Magdalène une pitié prophétique. La belle studieuse, quand l'heure du dîner fut venue, se montra aux yeux de la famille sous le même aspect préoccupé. D'ordinaire, l'appétit de Magdalène aurait effrayé ces frêles sensibilités qui veulent à toute force ignorer l'influence essentielle du régime féminin sur le développement de la beauté féminine. Ce jour-là, elle refusait les plats, l'un après l'autre, avec une détermination farouche, qui impliquait le plus rare des martyrs modernes, le martyr de l'estomac. « J'ai compris le rôle de Lucie, » remarqua-t-elle avec la gravité d'un vieux juge. « Ce qui va être difficile maintenant, c'est de faire comprendre à Frank le rôle de Falkland. Je ne vois pas là de quoi rire. Et avec une responsabilité comme la mienne, vous seriez tous fort sérieux. Non, père, pas de vin ce soir, je vous remercie. J'ai besoin que mes idées restent nettes. De l'eau, Thomas. Et avant de l'emporter, encore un peu de cette gelée. » Lorsque, dans la soirée, arriva Frank, qui n'avait pas encore la plus petite idée de son rôle, elle l'entreprit comme une vieille maîtresse d'école entreprend un petit garçon timide et gauche. S'il essayait çà et là de varier, par quelques madrigaux plus ou moins indirects, le caractère tout pratique des travaux de la soirée, elle écoutait ses compliments inopportuns avec le sang-froid méprisant d'une femme deux fois plus âgée. Elle le tenait littéralement prisonnier dans son rôle. Mr. Vanstone s'était endormi dans son fauteuil. Mrs. Vanstone et Miss Garth, cessant de prendre intérêt à cette leçon d'art dramatique, s'étaient retirés à l'autre bout du salon et causaient tout bas. Il se faisait tard, toujours plus tard, et pourtant Magdalène restait fidèle à sa tâche. Et de même, avec une persévérance égale, Nora, l'œil ouvert sur elle toute la soirée, continuait à ne les point perdre de vue. une méfiance de plus en plus marquée assombrissait son visage, tandis qu'elle contemplait sa sœur et Frank, assises l'un près de l'autre, absorbés par le même intérêt, s'efforçant ensemble vers le même but. La pendule marqua 11h30 avant que l'intrépide Lucie permît au docile Falkland de fermer enfin son cahier de leçons. « Elle a étonnamment d'esprit, n'est-ce pas ?» disait Frank, prenant congé de Mr. Vanstone à la porte du vestibule. « J'ai consigne, si vous le permettez, de revenir encore demain pour qu'elle me fasse part de ses idées. Mais je ne me tirerai jamais de là. N'allez pas le lui répéter, au moins. À mesure qu'elle m'apprend une tirade, l'autre me sort de la tête. Il y a de quoi se décourager, pas vrai ? Bonne nuit. » Le lendemain était le jour marqué pour la première répétition générale. La veille au soir, Mrs. Vanstone s'était trouvée en proie à un grand accablement. Dans un entretien particulier avec Miss Garth, elle avait repris d'elle-même en sous-œuvre les sujets traités dans sa lettre de Londres, s'était adressé de nouveaux reproches sur la faiblesse qui lui avait fait subir les impudentes prétentions du capitaine Reig à une parenté imaginaire, et revenant ensuite à l'état de sa santé, aux inquiétudes que lui causaient les perspectives périlleuses de l'été prochain, elle s'était exprimée là-dessus avec un triste abandon qui faisait peine. Pour la tirer de son abattement, Miss Garth, changeant de conversation, avait parlé de la prochaine représentation théâtrale, et pour calmer les inquiétudes que Mrs. Vanstone pouvait concevoir à cette occasion, lui avait manifesté l'intention d'accompagner Magdalene chaque fois qu'elle irait répéter chez Miss Marable. En conséquence, lorsque Frank, dans cette matinée mémorable, vint frapper à la porte de Combraven, il y trouva Miss Garth sous les armes dans le rôle d'Argus, et en vertu d'une interpolation manifeste, toute prête à escorter Lucie et Falkland sur la scène de leurs futurs exploits. Le chemin de fer les emporta tous les trois jusqu'à Evergreen Lodge, et au coup d'une heure, la répétition commença.